ce qu'elles savent, essayez de comprendre. Quittons ça qui est fini, oh, oh, si bon l'amour. Tout ça. Conciliation, il va...